je finirai en HP s'ils savent ce qui se passe dans ma tête. Le système a bien niqué une boîte de médocs comme un pas. Mon entourage me fait des fouets, je crois qu'en fait je les aime pas. Pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Ma mère est tombée sur un texte. La rage du lion, si tu savais la folie qui ressort de ce brouillon. Elle veut que je retourne chez le médecin, que je redevienne un mec sain. Je dis maman, je fais comment? J'ai plus la force d'attendre le messie. Mon Dieu, ça veut dire faut payer ce bâtard. De toute façon, je le dirai en face, dans pas longtemps il sera trop tard. Bref, c'est trop la merde et je pense à toi. T'es le seul qui me reste, s'il te plaît, ne pars pas. Pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Bref, pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Deuxième lettre et ma main tremble quand j'écris. J'ouvre ma fenêtre en écoutant en scène de cris. Allons direct à l'essentiel. J'ai plus la force de me dire non. Regarde vers le ciel, une étoile portera mon nom. Mon frère, ne fais pas lire cette lettre s'il te plaît. Laisse-moi préserver le paraître. On dirait de moi que je suis faible, que j'ai pas su m'adapter. Qu'est-ce que je m'en foutrais quand j'embrasserai la voie lactée? Enfin bref, affaire classée. Pense à ton futur quand on parlera de moi au passé. Ceux qui ne sauront pas, c'est qu'avant de franchir le pas, j'ai survécu à des choses qu'ils n'auraient jamais supportées. Pendant un mois, quelques larmes couleront sur des joues. L'évocation de bons souvenirs dans ma boîte à cajou. Je ressemble à ces quelques miettes planquées dans mon paquet de tabac. Mais je veux qu'on se rappelle de moi comme un homme tombé au combat. Pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Bref, pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? C'est encore moi, désolé de te déranger. T'inquiète, cette fois c'est la dernière, le processus est engrangé. Le timbre collé sur la lettre, l'eau déjà en train de couler. Les pompiers sont en route et le flingue est déjà chargé. Ouais, j'ai vogué sans but toute ma vie, entre pleurs et rires. Il serait peut-être temps que le ballon dirigeable se mette à atterrir. Tu me disais souvent que la vie n'est qu'une suite d'occasions. Sois fier de moi pour une fois que je prends une décision. Je t'avais parlé de cette fille, un ange aux cheveux dorés. Je peux plus donner d'affection et ça y est, elle s'est parée. Enfin, ça n'a plus d'importance, on serait emporté par le vent. J'ai ces histoires de sentiments pour les vivants. Je sais ce que tu vas penser quand t'auras fini ces lignes. Que je me serais servi de toi comme d'un journal intime. Le soleil se lève, que la vue est belle depuis mon toit. Sache mon frère que mes dernières pensées vont à toi. Pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Bref, pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon? Bref, pourquoi ma voix prend-elle ce ton si dramatique? Pourquoi la joie n'est qu'un principe rétroactif? Voilà que je me mets à loucher sur le flingue de mon daron. Est-il encore trop tôt pour pouvoir demander pardon?